Au sport. Dans la Ligue du soccer benjamin masculin division 2, Louis-Saint-Laurent reçoit les cas du Triolet le 2 avril à 18h15.